Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse en séance les étapes d'une psychanalyse, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a l'envie d'être une souris pour se cacher dans le coin d'un cabinet de psychanalyste et comprendre enfin comment ça se passe, ce qui se dit et comment ça se dit. De savoir comment ça fait du mal et comment ça fait du bien, savoir si ce psychanalyste est comme le mien, s'ils sont tous pareils et si ce cabinet ressemble à celui que l'on a fréquenté. Et puis aussi, on voudrait que l'analyste avoue. Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'elle compatit? Est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'elle s'ennuie? Et surtout, surtout, est-ce qu'il nous aime? Et puis enfin, comment ça se finit? Alors pour commencer, les personnages. Un patient qui va mieux, un autre qui n'ira jamais mieux, un autre qui veut en finir, une autre qui s'accroche, un analyste qui s'attache, une autre qui est submergée, une autre qui aide à couper le cordon et d'autres qui se sentent abandonnés. Ensuite le décor, des fauteuils qu'on ne verra plus, des odeurs que l'on va oublier, des rituels qui vont manquer, du temps que l'on va devoir remplir, des portes que l'on pousse pour la dernière fois, des halls que l'on a bien connus, des divans sur lesquels on ne s'allongera plus. Aujourd'hui, dernier épisode, il est temps de se relever. Kamel, vous évoquez la fin de votre analyse avec votre analyste actuel, parce que ça fait en tout 24 ans. Est-ce que c'est un sujet entre vous deux ? Oui, il m'arrive de l'évoquer. Je pense que je n'arrêterai jamais. Je n'en suis pas certain. Freud a écrit analyse sans fin, analyse avec fin et analyse sans fin. Donc, de toute façon, je ne sais pas. C'est pas la chose la plus pénible que d'aller parfois se pencher sur ce que l'on est soi-même et ce que l'on fait. Et que, voilà, la vie, elle continue. Donc, des événements nous traversent et nous impactent. Avoir la possibilité de jeter sur ces événements et l'impact qu'ils ont sur nous un regard autre que simplement nombriliste, c'est ça la psychanalyse aussi après autant d'années. Donc peut-être que si je n'étais pas médecin, je ne serais plus en psychanalyse, peut-être. Mais tous les jours je soigne des gens, donc tous les jours je suis confronté à la souffrance d'autrui. Et c'est comme ça que j'arrive à comprendre que le psychanalyste, il en prend aussi plein la tronche hein, de la douleur. Donc, c'est ce qui fait que je continue d'aller, d'avoir encore besoin d'être en analyse. En séance, terminer son analyse. Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Christophe Paradas, lorsque vous acceptez un patient ou une patiente ou un analysant en analyse, vous essayez d'estimer la possibilité pour cet analysant d'arrêter un jour? Oui, alors bon, on revient sur la question du temps, parce que travail de longue haleine, dans un monde justement où il faut que les choses aillent vite, où les patients peuvent dire parfois, enfin cette idée de ne pas s'embarquer pour une traversée ou une exploration qui serait justement sans fin. Évidemment que dans le sans fin, il y a l'idée que ça se prolonge ou que ça se continue autrement, c'est-à-dire l'idée que le fameux aimer et travailler, qui serait la guérison de surcroît, mais en même temps... Le fameux, expliquer ce que c'est aimer et travailler. Cette idée que, finalement, on va mieux et qu'on peut arrêter quand on est capable d'aimer et travailler, c'est une grande phrase. Ou alors qu'on a réussi à ne pas céder sur son désir, ça c'est plus Lacan. Ou au contraire, qu'on a réussi à traverser son symptôme, et qu'avec son symptôme, on va pouvoir se tricoter une vie à peu près... agréable et qu'on va pouvoir faire des choses. Ouais, et de ces trois phrases, laquelle va le mieux ? Une quatrième, qui serait plutôt du côté de Winnicott, qui est un auteur que j'aime beaucoup, un analyste extraordinaire, qui parle plutôt de créativité dans sa propre vie. Cette idée de Winnicott selon laquelle Non pas qu'on devient maître de sa vie, mais au contraire, qu'on a pu lâcher prise sur certaines choses, qu'on est un peu plus dans l'incertitude, on reste un peu dans la crise, dans le doute, mais en même temps, on est capable de faire des choses. Donc ça rejoint cette phrase d'Aimé, puisqu'on est capable d'avoir des relations avec les autres, qui ne sont plus uniquement narcissiques, ou de souffrance, ou de plainte, ou de manque, même si on n'en sort jamais, évidemment. Et puis en même temps, travailler, c'est-à-dire trouver un sens dans son existence, dans sa vie, dans ce qu'on fait. C'est évidemment pas forcément travailler 15 heures par jour, quelque chose qui nous est désagréable, au contraire, mais être travaillé par son existence, par les autres, par ce qu'on fait. Bon, évidemment, il y a la métaphore du travail artistique, hein, qui est trouver de la liberté dans sa vie. Être créatif dans sa vie, ça peut être une tasse de café, ou un plat de cuisine, enfin, pas toujours cette aristocratie de l'artistique, mais être créatif dans ses relations avec les autres, dans ses voyages, dans ses rencontres. L'idée de rencontre est très importante, ou d'exploration. Ne regarde pas la vie dans ton rétroviseur. Lâche un peu l'accélérateur, mets ta ceinture et boucle-la. Ne regarde pas la vie dans ton rétroviseur. Tu viens de passer sur ton passé, change de régime et de quartier. Vous avez déjà eu des patients qui arrêtent une cure parce que c'était la fin, Sarah Contout-Arkem ? Oui, parce que c'était la fin, oui, mais souvent parce qu'il y avait des interruptions plus arbitraires et brutales. La question de la fin de la psychanalyse, de toute façon, est toujours assez problématique, enfin assez nébuleuse. Pour l'instant, en tout cas, ça a plus ressemblé à des ruptures qu'à des fins. Si on peut donner nos définitions de la fin que celle de la rupture, je sais pas. Et vous avez essayé d'empêcher cette rupture ? Peut-être. Peut-être parfois. Parfois pas du tout, parce que parfois c'était... presque, on pourrait dire, comme un accord, enfin. Et en même temps, je pense que oui, il y a des ruptures qui sont très difficiles pour l'analyste autant que pour le patient, enfin. Comment s'est terminée cette analyse, Catherine ? Eh bien, elle s'est terminée... elle a duré quand même très très longtemps. Moi, je n'avais pas de représentation quand j'ai commencé de combien de temps ça devait durer. Je savais que c'était long. Mais 5 ans, 10 ans, enfin, je n'avais pas de représentation. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment que l'analyse se poursuivait... Enfin, il me semblait qu'on était... elle m'a maintenue un peu encore. Alors, on est passé de 3 séances par semaine à 2. Et donc j'ai dû poursuivre, alors je ne suis pas absolument certaine, mais je dirais peut-être 1 ou 2 ans à 2 séances par semaine quand même. Et puis nous avons convenu ensemble d'arrêter. Donc moi j'étais assez demandeuse, enfin, il me semblait que c'était possible à ce moment-là. Et la dernière séance, elle m'a proposé de m'asseoir en face d'elle. Et alors je ne me souviens plus, c'est-à-dire que j'ai oublié ce qu'elle a oublié. Je ne sais plus si elle avait oublié le rendez-vous ou si elle avait oublié que c'était la dernière séance. Et moi, j'avais posé la question de savoir que devenait cette relation après l'analyse. Et elle m'a dit, mais ça dépend des gens. Donc, j'ai envie de dire qu'elle m'a rendu le bébé. Donc, je me suis dit, ben, je verrai bien. Je verrai après. J'ai pas besoin de résoudre ça tout de suite. Donc, nous sommes séparés comme ça avant l'été. Vous vous êtes dit au revoir comment ? En vous serrant la main ? Non, je crois qu'il n'y a pas eu plus de contact que physique que d'habitude. Enfin, cette chose était très huilée dans le... Bon, j'étais simplement en face à ce moment-là. Donc c'était, j'ai envie de dire, une rupture comme chaque année avant les vacances d'été, puisque en été, on ne se voyait ni en juillet ni en août. Donc il y avait quelque chose d'à la fois ressemblant et différent. Mais moi, j'étais très aussi désireuse de commencer cette nouvelle vie de l'analyste sans l'analyste. Donc c'était pour moi très positif. C'était pas du tout une rupture, il n'y avait rien de triste. Et le destin, l'ironie, le hasard du sort a fait que mon père est mort en novembre qui a suivi. Et nous avons eu aussi un grand souci qui s'est heureusement terminé, mais qui a été extrêmement préoccupant. Un enfant de 2 ans de nos voisins est tombé dans une mare lors d'un repas de voisins chez des voisins. Et il a été entre la vie et la mort pendant de longues semaines. Et ça s'est passé avant, je dirais, la mort de mon père. Mais ces deux événements, en septembre et en novembre, qui ont d'ailleurs... peut-être contribué à la mort de mon père, qui était certes, qui était en fin de vie et pas bien portant, mais il était extrêmement affecté par cet enfant de 2 ans dont on a pensé qu'il allait pas survivre. En fait, il a survécu et bien. Hein. Et ces deux événements terribles, bah, j'ai envie de dire, ont été une épreuve qui me permettait de voir si l'analyste tenait bien toute seule sans l'analyste. Et oui, ça tenait. J'ai laissé passer un an ou deux ou trois. Et donc, je me suis manifestée. Alors, si quand même, je peux dire, pendant ces 3-4 ans, en pensant à elle de temps en temps, je craignais toujours qu'elle ne disparaisse. C'est une personne âgée aussi. Et je ne lis pas spécialement les nécros du monde. Et donc, je me disais, il se peut aussi que je ne le sache pas. Et que... Donc, je lui ai écrit une lettre. Et je lui ai dit que ça me plairait qu'on se voit. Et elle m'a proposé un rendez-vous. Et donc, nous nous sommes revus. Nous avons échangé sur... Alors, plus de ce qu'elle faisait, elle aussi, de psychanalyse, mais pas seulement, de l'une et de l'autre. Et puis, nous nous sommes séparés. Et là, en revanche, j'ai eu le sentiment que la séparation était probablement définitive et qu'elle ne tenait pas plus que cela, qu'elle était très contente qu'on se soit revus une fois, mais que pas forcément davantage. Voilà, ça s'est fini comme ça, en plusieurs temps, donc. Mais l'analyse continue. Je suis là, pas là-bas, pas parti, là, bel et bien là, suspendu au-dessus d'un dégât. Si c'est ainsi, pourquoi ça que j'irai pas là? Pile aujourd'hui, c'est ainsi, pourquoi ça que j'irai pas là? Pile aujourd'hui. Catherine Chabert, c'est possible de garder un lien avec un patient qui a arrêté son analyse parce que c'était la fin? Si on devient amis, il y a quelque chose qui est terminé pour l'analyse définitivement. Cela dit, encore une fois, moi j'ai une très grande quantité de patients dont j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et je sais pas, peut-être que l'adage vaut, hein, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bien, vous dites au revoir comment lorsque c'est une dernière fois? En général, la fin de l'analyse, ça se... Pour moi, en tous les cas, la fin de l'analyse, c'est quelque chose qui se prépare. Quelquefois, c'est très émouvant. Hein, de dire, quand on se retrouve sur le pas de la porte, on peut être pris d'une intense émotion en serrant la main, en se serrant la main. Et puis, d'autres fois, pas du tout. C'est une question d'affect plus ou moins fortement engagé dans la cure. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas quand on se quitte... tranquillement, joyeusement et sans émoi. Et donc, partir et se séparer, ça fait être capable de se séparer, ça fait aussi partie des conquêtes et des victoires de l'analyse. Il vaudrait mieux que nous mettions fin au traitement. Et ensuite, nous devrions laisser passer une période plus ou moins importante. Et si nos sentiments n'ont pas changé, je crois qu'alors... on pourra commencer à se revoir en société. C'était, du point de vue d'Epstein, le mariage idéal. Enfin, une femme qui le comprenait. Tu connais tous mes secrets. La moindre de mes nuances psycho-affectives. Il n'est pas une émotion ou un désir que je ne t'ai confié pendant notre thérapie. Maintenant, c'est ton tour, explore-moi. Oui, mais toutes mes perversions, tu les acceptes si bien. Mon besoin d'être ligoté, de te voir avec d'autres femmes, d'avoir tes talons pointus dans ma bouche. En tout cas, personne ne pourra dire que j'ignorais où je mettais les pieds. La question quitter, pas quitter, hein, elle fait partie des symptômes de l'époque, hein, dans plein de registres. Et je pense que souvent que ça... Patrick Guillaumard. Ce sont des symptômes qui résonnent aussi dans l'analyse, hein, et dans notre pratique. C'est comme si la question des changements, mais aussi donc de ce qu'on ne veut pas changer, ou dans ce qu'on a peur de changer, ou voilà, rentrait aussi dans l'analyse en tant que telle. Il y a une très grande différence entre le travail avec les enfants et les adolescents, avec qui il est assez évident que ça s'arrête. Hein, des enfants, ils disent c'est fini, c'est terminé, ils parlent d'autre chose, très spontanément, très fortement, les adolescents aussi, les adultes beaucoup de façon générale, mais c'est plus complexe, quoi. c'est un symptôme de l'époque qui t'est pas quitté, c'est-à-dire que c'est plus difficile maintenant pour un patient, pour plusieurs patients, de quitter l'analyste. Je ne sais pas si c'est plus difficile, hein, puisque on voit toujours, heureusement d'ailleurs, beaucoup de patients qui s'engagent dans une cure avec une attente réelle, assez forte, qui vont, hein, qui ont le courage d'aller y voir, qui se plient à ce qu'on leur propose, qui est assez contraignant, hein, ça c'est incontestablement, et qui, si je peux dire, prenant l'affaire en main, au bon moment pour eux, ils mettent un terme, hein, je dirais d'une façon saine. Quand on met un terme à quelque chose, il y a toujours quelque chose qui reste dans la vie comme dans l'analyse. Il suffit pas de se dire je vis avec quelqu'un, ça va pas, mais je le quitterai quand je l'aimerai plus du tout. La difficulté des séparations, c'est qu'il y a évidemment toujours quelque chose qui reste. Bon, donc une analyse aussi, c'est pareil. On ne peut pas quitter une analyse sans y perdre quelque chose et sans y laisser quelque chose. Et à quoi ça sert ? À quoi ça sert de venir te voir ? À quoi ça sert ? De quoi j'ai l'air ? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère ? Qu'est-ce que j'espère ? Oui, qu'est-ce que j'espère ? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire. Combien de fois par semaine vous allez chez l'analyste, Kamel ? Ah, maintenant, j'y vais moins. J'y vais deux fois par semaine, maintenant. Fut un temps, parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les séances efficaces, les bonnes séances, elles sont celles qui vous déstabilisent. Et, non, parce que je dis j'y vais moins en parlant de deux fois, mais parce que je suis allé en séance cinq fois par semaine pendant quelques années. En fait, j'y allais du lundi au vendredi. Mais je me rendais parfaitement compte à ce moment-là qu'en fait, en quittant ma séance du lundi, je lançais comme un filin sur le jour d'après, car demain, j'avais également une séance. Et ça m'a permis de traverser des périodes extrêmement douloureuses, mais parce que la psychanalyse, à un moment donné, peut vous déstabiliser tellement que supporter chaque jour est complexe. Est-ce qu'elles avaient un coup sur votre vie qui faisait que vous aviez hâte de passer de 5 à 3 ou à 2 séances ? Est-ce que ça doit coûter cher ? Est-ce que ça doit peser dans le budget, dans votre budget ? Mais je sais, en fait, je suis pas sûr que ce soit la psychanalyse. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de discours sur psychanalyse et argent. C'est pas la psychanalyse qui doit coûter de l'argent. La psychanalyse, elle est aujourd'hui dans des sociétés plus tellement mercantiles et tellement matérialistes que quelque part, ça me coûtait plus en temps d'aller tous les jours. Alors je payais les séances, la question n'est pas là, mais d'aller tous les jours chez le psychanalyste me coûtait plus en temps. Et en fait, fondamentalement, c'est là la question, c'est est-ce que vous êtes capable de vous consacrer du temps à vous, uniquement à vous, sans publicité, sans en parler nulle part, qui vous serve ou ne vous serve pas, si j'ose dire, dont vous ne voyez pas forcément les effets. Est-ce que ce temps-là, vous êtes capable de vous le consacrer? C'est pas si simple que ça. On a des vies dans lesquelles la représentation sociale est fondamentale. Donc faire des choses que tout le monde voit, faire des choses pour les autres, produire. Là, vous produisez rien du tout quand vous êtes en séance d'analyse. Rien. À la limite, vous allez ressortir plus déprimé qu'en y entrant. Alors, c'est pas vrai, mais la douleur va affleurer alors que vous arrivez à la cacher. Oui, ça me coûtait, bien sûr. J'y consacrais plus d'argent à ma psychanalyse qu'à mon loyer. Donc, oui. Mais en même temps, peut-être je ne serais plus en vie. Donc, est-ce que c'était en temps que ça me coûtait? Mais ne pas arriver à se quitter, il peut y avoir plusieurs formes à ça. Par exemple... Christophe Dufond-Barré. Oury, donc, qui est un peu, en tout cas, mon maître en psychiatrie, il a été, je crois, presque 30 ans sur le divan de Jacques Lacan. Et puis, ils n'arrivent pas à se quitter. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en même temps, ça n'a pas empêché et l'un et l'autre d'être très inventif, très vivant, très... C'est pas quelque chose qui s'est mis, je pense, à ronronner, à être un peu mortifère. Comme... Donc là, c'est un exemple d'une psychanalyse, entre guillemets, infinie, entre deux, puisque c'est plus ou moins la mort de Lacan qui met fin à la cure de Jean Houry. Mais il n'empêche que je pense que c'est il faut l'entendre comme quelque chose d'une aventure partagée avec une vraie différence des places. C'est pas devenu de copains comme ça, c'est restant analysant et analyste, mais qui a été très très riche en tout cas pour Jean Houry, hein, ça c'est sûr. Donc la question d'un analysant et d'un analyste qui se quitte pas, il y a pas une réponse simple à ça. Il y a des cas de figure où on peut dire que quelque chose s'est bloqué et que ce blocage perdure indéfiniment. Mais pas toujours. C'est pas toujours ça. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Comment la cure s'est arrêtée, Didier Bourquery? La cure s'est arrêtée naturellement. Elle s'est arrêtée par un acte qui est que j'ai acheté une maison en Gironde, chez moi. Que je me suis autorisé à acheter une maison en Gironde chez moi. Cette maison que je n'avais plus. Mes parents étaient morts, mon frère avait vendu la maison, on n'avait plus de maison, on n'avait plus de maison de famille. J'ai recréé quelque chose qui était de l'ordre de la maison de famille. Et voilà. C'était clair que... C'était clair pour nous deux, j'allais dire, que ça allait s'arrêter. Après, c'était le moment où, la séance où, à quelle séance. Et en fait, je l'ai noté quelque part, mais je m'en souviens plus là maintenant, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Il y a la dernière phrase, dont on sait tout d'un coup, au moment même où on la prononce, que c'est la dernière phrase. Et c'est très beau parce que c'est un peu comme une naissance à autre chose. Et tout ce travail qu'on a derrière soi, on a envie de dire. Alors moi, la seule chose que j'avais envie de dire à mon analyste, c'était merci. Ainsi, c'est terminé. Sont terminées ces 321 séances. Sauf que en septembre 2014, mon frère est mort brutalement, mon frère. Et j'ai été un peu rattrapé par des choses difficiles, mes black dogs, ce que j'appelle, mes chiens noirs. Et je suis revenu voir mon analyste une saison. Entre l'automne et l'été suivant. Mais là, légèrement, je dirais une séance par semaine. Et c'était très bénéfique, très puissant. Là, c'était un accompagnement plutôt qu'un travail. Je pense que la psychanalyse au plan familial nous a permis, dans la famille, avec les enfants comme dans le couple hein, d'ailleurs, de... Voilà, la toux, elle est certainement très significative, mais je ne dirai pas pourquoi. Nous a permis de... Non pas de faire moins d'erreurs que les autres, ça je pense qu'on en fait largement autant, tous, mais de pouvoir faire retour sur ces erreurs, c'est-à-dire de pouvoir effectivement dire là, je n'aurais pas dû te dire ça, ou je n'aurais pas dû faire comme ça, ou on pourrait faire autrement, on pourrait, voilà. Je pense que la psychanalyse, ça permet de garder une souplesse de toute action produite, toute action verbale aussi, on est beaucoup dans le verbal évidemment, n'est pas irréversible. Donc il me semble que déjà, c'est quelque chose de... Alors ça permet aussi de voir la quantité invraisemblable d'erreurs que l'on commet avec ceux qu'on aime le plus. Mais dans la mesure où ça permet aussi de les revisiter, on doit être gagnant, je pense. Vous avez pensé devenir analyste, Catherine ? Oui, j'y ai pensé, je dirais, autour de... Quand je devais être entre la quatrième et la septième année, quelque chose comme ça. Ça a pu me traverser, ça a pu se formaliser à un moment. Et puis, quand je me suis vraiment projetée dans cette possibilité-là, qui devait sans doute être une manière d'envisager la quête de sens après la psychanalyse. Comment ? Parce que j'étais professeur à ce moment-là, je n'étais pas chercheur. Donc ça a pu me traverser l'idée, et même se formaliser un peu plus que traverser l'idée. Néanmoins, je pense que c'est un métier de solitude. Alors, je suis persuadée en même temps qu'un psychanalyste ne dirait pas du tout. C'est un métier de la dualité, peut-être c'est mieux de le dire comme ça. Moi, j'aime bien qu'il y ait... beaucoup de gens qui réfléchissent avec moi aux problèmes que je me pose, enfin qu'on puisse partager la réflexion. Alors, le psychanalyste n'est pas seul, il est seul en séance avec l'analysant, mais il a aussi d'autres analystes autour de lui quand il a envie d'en avoir. Enfin, je pense que c'est... mais j'ai eu le sentiment que je... Voilà, c'est l'idée de la solitude qui m'a empêchée, même si elle n'est peut-être pas objective. C'est peut-être quelque chose de subjectif, mais on peut penser que... dans le rapport entre ma mère psychiatre et son patient qui la tue, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'indépassable pour moi. Peut-être. Peut-être c'est quelque chose comme ça qu'il faut entendre, en fait. Mais voilà, donc j'ai assez rapidement compris que je ne serais pas psychanalyste. J'ai joué avec l'idée, peut-être, 2 ans. Il y a aussi une responsabilité du psychanalyste qui est lourde. Oui, mais ça me fait pas peur. Ça, c'est le genre de choses qui me fait pas peur. Je pense qu'en fait, cette responsabilité du psychanalyste, elle est chez toute personne qui a fait une analyse et qui voit le monde autour de lui. Et que on est toujours en train de secourir l'autre d'une certaine manière. De manière plus ou moins spectaculaire et de manière plus ou moins discrète, plus ou moins invisible. La responsabilité de l'analyste, elle peut peser. Mais tout le temps. Corinne Ehrenberg. C'est un métier d'une intranquillité rare. Parce qu'on n'est jamais assuré d'avoir dit ce qu'il faut, d'avoir posé le cadre approprié. Ça, c'est vraiment le métier de l'inconfort. On a beau... Les gens ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi on est fatigué. On ne bouge pas, on est installé, on ne dit pas grand-chose. Mais c'est un métier de l'intranquillité, vraiment. Ça vous aide d'avoir travaillé avec des adultes psychotiques ? Vous seriez encore plus inquiète si vous n'aviez pas cette expérience-là ? Ah, je pense que c'est très important de savoir faire la différence dans les différents fonctionnements psychiques, oui. Oui, je pense que ça, c'est... Parce qu'embarquer quelqu'un psychotique dans une analyse, je sais qu'il y en a qui l'ont fait et qui le font encore. Je pense que c'est prendre des très, très gros risques. Alors oui, ça m'aide, bien sûr. Enfin, c'est toute la formation hein, qui aide à ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il existe des patients, Corinne Ehrenberg, qui n'arrivent jamais à finir une analyse ? Oui. Vous pensez qu'ils peuvent arrêter et ils ne veulent pas. Oui, mais j'ai un peu évolué sur la question de ces cures interminables qu'on reproche beaucoup aux analystes. Parce que ça tient aussi au fait qu'on accueille des gens qui ont des angoisses de séparation absolument terribles. Je pensais à une patiente qui parlait de... Elle trouvait pas le mot, mais le mot qui lui est venu, c'est dislocation. Donc voilà, je trouve que c'est assez évocateur de l'angoisse qu'il apprend quand il est question de se séparer de son analyste. C'est que elle va pas en sortir intègre. Mon évolution, c'est aussi de me dire qu'il y a des gens pour qui l'analyse a rendu la vie vivable et que parfois je vois pas pourquoi, au nom de quoi, je déciderais que non, voilà, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Donc c'est pas de l'accompagnement à vie, mais c'est le temps nécessaire et probablement beaucoup plus long que ceux pour qui la question de la séparation n'est pas aussi problématique. Et des patients qui sont d'accord pour arrêter, mais qui demandent ou qui s'arrangent pour garder un lien, il y en a ? Oui. On reste quand même un interlocuteur imaginaire pendant longtemps, hein. C'est un processus sans fin, la psychanalyse. Même quand on a arrêté de venir à ses séances, on continue à s'adresser à quelqu'un dans sa tête. Et en général, à son analyste. Donc, le lien, ça peut être, par exemple, une patiente qui a arrêté depuis très très très longtemps, m'envoie systématiquement une carte de vœux tous les ans. Il m'arrive de recevoir des photos de naissance. Moi, ça me fait très plaisir. Et vous répondez ? Non. Je réponds pas parce que, dans la mesure où c'est un processus sans fin, il est possible que ça... Il faut laisser la possibilité que ça puisse être repris, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, pas faire qu'une relation devienne impossible. Devienne. Pourquoi vous aimez votre métier, Corinne Ehrenberg ? Ouh, je ne m'attendais pas à cette question. Oui, alors, parce que j'ai l'air de trouver que c'est difficile, que non, c'est... Non, sans parler avec enthousiasme, non. Je l'aime parce que je trouve que il est passionnant. On rencontre des gens avec des fonctionnements, des histoires formidables et passionnantes, et surtout ce qu'ils en ont fait. On travaille tout le temps. Et finalement, c'est plutôt une bonne manière de vivre. Et ce que vous voulez, c'est que les autres s'ajustent à votre distorsion ? Je veux rien, moi, rien du tout. Ce qu'il y a, je traverse une sorte de phase, je comprends pas. Ce que je sais, c'est que pour la première fois de ma vie, je n'arrive pas à écrire. Ça ne vient pas. Et pour moi, vous savez, mon seul capital dans la vie, c'est mon imagination. Je suis désolé, la séance est terminée. Amusez-vous bien à la cérémonie en votre honneur demain, et je crois que ce serait une bonne chose pour vous comme pour votre fils que vous l'emmeniez. Oh, it's such a perfect day. A perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on. Just a perfect day. Le cadre, il est comment justement, Alexandre? Le cabinet est comment? Le cabinet de votre analyste? Il y en a deux, il y en a un dans... côté de chez moi en banlieue et un autre parisien, donc son cadre parisien est parisien, c'est un appartement chic, plutôt chic, en tout cas que j'imagine chic dans Paris, avec des livres, avec une atmosphère très enfumée aussi, puisqu'il fume, et voilà, très intellectuel, quelque chose de très, très détaché quelque part du reste du monde, et son cabinet en banlieue n'a strictement aucun intérêt en lui-même, hein. C'est vraiment, il n'y a pas grand-chose, et je crois que c'est pas très important par ailleurs, Mais ce qu'il y a de manière commune entre les deux cabinets, c'est l'atmosphère qu'il s'y crée, parce que, pour des choses simples, parce qu'il y met ses bouquins, parce qu'il y met ses clopes, et il y met, voilà, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a une identité du lieu. Et ça, c'est ça qui compte, évidemment. Voilà. Et ça, ça fait qu'on a envie ou pas envie. Donc ça, ça détermine un certain nombre de choses, quand même. C'est pas un endroit neutre, en fait. Donc il y a de lui dans cet endroit-là, et donc bah, ça oblige à... Là, c'est des machines à fantasmes, hein, ces trucs-là, tout simplement. Vous imaginez, Alexandre, pouvoir vous séparer de cet analyste, un jour ? Ben, je l'espère, je l'imagine. Oui, non, mais oui, je l'imagine. Mais je ne suis pas sûr que... Enfin, c'est un mot auquel je suis relativement réticent en termes de brisure. C'est-à-dire que j'imagine un truc qui va s'espacer. Et comme une manière de quitter le nid progressive, mais pas... voilà, j'imagine pas quelque chose de brutal. Puisque je l'ai fait une fois, je suppose que je le ferai pas deux fois. Et que là, les choses se joueront autrement. Voilà. Mais encore une fois, j'en sais rien. C'est vraiment... c'est ce que je me souhaite. Quelque chose qui soit pas un arrachement, mais qui soit une construction lente. Et lui, il en parle de la... Non. Je pense que c'est pas l'heure, hein, tout simplement, déjà. Non, je sais pas. J'ai aucune idée de la manière dont il gère ça, par ailleurs. Je sais pas du tout. Mais peut-être que je me trompe, encore une fois. J'en sais rien. Là, pour l'instant, ça se pose pas comme ça. À part dans les résistances habituelles du type « J'aimerais bien mettre cet argent-là ailleurs. » Sinon, non. Sinon, je continue à y aller avec envie. En 24 ans, Kamel, vous avez eu combien d'analystes différents ? Trois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez changé ? En fait, je n'ai jamais changé. Celle avec laquelle j'ai commencé ma psychanalyse ne vivait pas à Paris et donc partageait sa vie entre le sud de la France et Paris. Et puis un jour, au bout de quelques années, a décidé de ne plus venir à Paris. Son discours était « Mais vous êtes au milieu du gué, je vous laisse sans vous abandonner, je suis sûr que vous trouverez un chemin. » Bon, j'ai mis, je sais pas, 2 ou 3 ans avant de trouver un autre analyste. Celui-ci est malheureusement décédé après 9 ans de psychanalyse avec moi. Et après son décès, bien, j'ai dû mettre 1 an et demi ou 2 ans avant de retourner chez un troisième psychanalyste. Je n'ai pas décidé de changer. C'est la vie qui a fait cela. Et déjà rien que ça, pour le traverser, c'est assez. Vous voyez que la psychanalyse vous a aidé à vous construire. C'est douloureux, c'est un vrai deuil, hein, de perdre un analyste. Encore plus lorsqu'il décède, bien sûr, mais s'en remettre, être capable de faire autre chose après, voilà. Je pense que la psychanalyse m'a finalement pas trop mal construit. Le parcours psychanalytique, c'est le principe de réalité qui s'impose aux gens. Voilà, on peut vivre toute une vie dans l'illusion de la vie, et bon, on n'est pas là pour juger. Le seul problème, c'est qu'un jour on meurt, donc c'est mieux de vivre pendant qu'on est en vie. Faut pas toujours attendre demain ou voire même après-demain pour vivre. Donc, la psychanalyse, c'est le principe de réalité qui s'impose à vous. Vous pouvez l'accepter et donc affronter les réalités avec ses bonheurs et ses douleurs. Donc oui, la perte d'un analyste, c'est la perte, surtout après 10 années de travail en commun. Oui, c'est quand même quelqu'un qui meurt à qui vous avez dit à peu près tout de votre vie, voire même plus que ce que vous imaginez lui avoir dit, quand même. C'est comme, si j'ose dire, un notaire de sa propre vie. C'est quelqu'un qui a de vous une connaissance fondamentale. Donc effectivement, après 10 ans, c'est... Alors on pourrait se dire, bah chouette, celui qui sait tout de moi est parti. Et donc je laisse pas de traces. En même temps, on est parfaitement conscient que ça se construit, une psychanalyse. En fait, c'est parce que il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, je vous ai dit ça, qu'aujourd'hui je peux vous dire ça. Donc on a l'impression de devoir repartir à zéro. quand le psychanalyste disparaît, on a l'impression que bah, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est perdu. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je parle au moment où on vous l'annonce, oui, le monde s'écroule, quoi. C'est comme de perdre toute sa famille dans un accident d'avion, quoi. En même temps, c'est d'une violence inouïe. Oui. Plusieurs patients qui ont arrêté leur cure en 20 ans, en 15 ans de évidemment, métier. Heureusement. Alors, arrêtez, attendez, ça dépend ce que vous entendez par là. J'ai eu un certain nombre de patients qui ont terminé leur analyse. J'ai eu un certain nombre de patients qui ont interrompu leur analyse, ce qui n'est pas du tout la même chose. Des interruptions intempestives. Oui, des ruptures. Enfin, des ruptures. Donc, il y a les deux. J'ai connu les deux, oui. Et quand il y a une rupture, vous essayez de rattraper le patient ? Si on considère que c'est pas ce qu'il lui faut, bien sûr. Alors rattraper, oui, comme on peut, mais s'il veut pas, il veut pas. Donc oui, on lui envoie une lettre, deux lettres, trois lettres, pour essayer d'avoir un entretien, essayer de comprendre un peu ce qui vient de se passer, pourquoi il y a eu rupture, bien sûr. Mais après... Encore une fois, la décision lui appartient. Enfin. N'appartient pas à son conscient. C'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est que souvent, bien entendu, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas tellement lui-même. Puisque c'est des forces là qui ont amené à la rupture qui lui échappent le plus souvent. Voilà. Et mes déterminaisons aussi, déterminaisons de plein accord où vraiment le travail est considéré comme étant bouclé. Ce travail-là, cette analyse-là, est bouclée. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir une autre analyse plus tard, ou pas, pour travailler autrement avec quelqu'un d'autre. Mais disons qu'il y a une reconnaissance de part et d'autre que voilà, on est arrivé au bout de quelque chose, de façon satisfaisante. Il y a des patients qui vous demandent, Clarisse Baruch, de garder un lien avec vous. En analyse, je suis en train de me demander, je crois que c'est jamais arrivé. En psychothérapie, oui. Et vous dites quoi ? Ben oui, bien sûr. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, la porte est toujours ouverte. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent à la fin, au moment d'une terminaison de cure, quelle qu'elle soit. La porte est de toute manière toujours ouverte. Mais... J'observe effectivement, d'ailleurs en y réfléchissant à votre question là, que ceux qui ont utilisé cette porte ouverte n'étaient pour le moment, bon pour le moment ça peut arriver plus tard, je ne sais pas, hein, mais que des patients en psychothérapie, pas des patients en analyse. Sur ces entrefaites, il s'est fait tard et nous avons dû nous quitter, mais... Ça avait été formidable de revoir Annie. Je me rendais compte que c'était une fille sensationnelle et que c'était très sympa de l'avoir ne serait-ce que connue. Et c'est alors que m'est revenue cette vieille blague, vous savez, celle du gars qui va voir le psychiatre et qui dit « Docteur, mon frère est dingue, il se prend pour une poule. » Alors le docteur lui répond « Bah, c'est simple, faites-le interner. » Et le type dit « Je le ferai bien, mais j'ai besoin des œufs. » Eh bien, moi, c'est un peu comme ça que j'ai tendance à voir les relations humaines. Au fond, elles sont totalement irrationnelles, dingues, absurdes. Mais il semble que nous faisons avec parce que la plupart d'entre nous ont besoin des œufs. Catherine Chabert, est-ce que Est-ce qu'il existe une déformation professionnelle de l'analyste? Est-ce qu'il y a des choses de vous en tant qu'analyste que vous transportez dans votre vie privée une fois toutes les séances de la journée terminées? Bon, en général, à la fin de la journée, moi j'aime bien faire autre chose. Moi, on travaille beaucoup les analystes, on a beaucoup de réunions le soir parce que dans la journée, on a nos patients. Bon, moi il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie. J'imagine par exemple que quand je lis, je vais au théâtre, je vais au cinéma, j'ai une manière d'entendre ces situations de théâtrales ou cinématographiques, enfin ces scénarios, probablement à ma manière, mais je les interprète pas immédiatement, mais c'est sûr que ça résonne. C'est sûr que ça résonne et que... Bon, en même temps, moi j'ai une passion pour la littérature, et en particulier pour le roman, et même que j'aime énormément le cinéma. Il y a des analystes qui disent qu'ils ne peuvent pas lire de romans parce qu'ils en entendent tellement toute la journée avec les histoires de leurs patients que du coup... Et moi, je ne suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une passion pour la littérature et pour les romans, comme je venais vous le dire. Donc, il doit y avoir, c'est pour répondre à votre question, je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que je suis devenue analyste, si c'est la passion que j'avais pour la littérature et les romans depuis que je suis toute petite. Et en particulier depuis que je suis adolescente. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de passionnant quand même dans la manière dont... Il n'y a pas que ça dans l'analyse, hein, c'est difficile et tout. Mais c'est vrai que j'aime énormément ça. Et le soir, je lis. Pendant mes vacances, je lis une très grande quantité de romans. Donc, à certains égards, je continue, même si j'arrête. Vous voyez, je suis dans une espèce de zone comme ça entre deux. Mais bon, sinon, il faut bien aussi à certains moments laisser de côté ce travail. Après, on peut parler que chacun pour soi, quoi. Je suis pas sûre de tout lâcher, de tout oublier le soir à 20h quand je sors de mon cabinet. Je sais pas. C'est en suspens, on va dire. C'est en suspens. Il y a des gens, des lecteurs qui ont du mal à lire des romans. Est-ce qu'il y a un rapport entre la difficulté à se perdre dans les romans et le rapport à l'analyse? La plongée dans l'introspection, parce que le roman, enfin la littérature en général, hein, le théâtre, la poésie aussi. Je m'arrête, je pense. Oui. Non, mais je sais, c'est un... Oui. Alors, une chaussette peut-être sur le... Mais ça montre que, voilà, on est dans quelque chose d'intersubjectif, pour le coup, d'interpsychique qui est très... Mais ça montre bien ce que dit Winnicott, hein, qu'on est dans un espace de suspension du réel, et quand le réel a réapparu, incommensurable. Bon, là, c'est une toute petite incommensurabilité, mais vous imaginez les autres. Est-ce qu'il y a des points communs, Catherine, entre avoir peur de se lancer dans une analyse ou être prévenu contre la psychanalyse et être réticent à l'idée de lire des romans? Alors, je ne peux donner qu'un point de vue, enfin, ce que je ressens et ce que je crois comprendre de ce genre de peur, mais il doit y avoir certainement plusieurs facteurs autres que ceux que je vais évoquer qui peuvent rendre compte de la peur de la psychanalyse, enfin, je pense que, ou de la crainte, ou du refus, je pense qu'il y a d'autres facteurs que cela, mais notamment, le point commun avec la littérature me paraît tout à fait passionnant, la littérature, roman, mais aussi théâtre et poésie, parce que, je pense que la littérature ne nous raconte pas des histoires, la littérature nous parle de nous-mêmes. À travers des histoires fictives. Mais elle dit donc autre chose que ce qu'elle a l'air de dire, et ça, je tiens beaucoup à cette idée-là. Et dans la mesure où elle nous parle, bah c'est peut-être l'emblème de ça, ça serait la pièce de Corneille, Illusion comique. Le théâtre nous parle mieux de la vraie vie que la vraie vie elle-même. Donc, Évidemment, se plonger dans la littérature de cette manière-là, c'est se plonger aussi, enfin, c'est en soi-même. Donc, c'est aller chercher à comprendre à travers des histoires et des personnages qui ne sont pas nous, mais qui nous permettent de nous distancier tout en nous y identifiant, en reconnaissant en eux, de comprendre des choses de nous-mêmes que l'on n'a pas forcément envie de savoir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est, je dis normal en pensant à Canguilhem, mais d'avoir tellement envie de se comprendre soi-même. Chez moi, c'est absolument une nécessité. Je me demande même si elle n'est pas vitale. Mais on peut comprendre, après tout. Mon histoire, peut-être, fait de moi un cas particulier qui a envie de comprendre l'incompréhensible. Il m'est arrivé l'incommensurable, donc le monde est incommensurable et j'ai envie de lui donner une certaine commensurabilité. Mais moi, il me semble que ça doit être le cas de tout homme, de tout humain. Donc la littérature, je parle de souterrain. C'est les souterrains de la pensée, c'est D'ailleurs, je pense que la littérature nous en apprend autant que la psychanalyse et autant que la science. Et je suis moi-même une scientifique et ardemment attachée à la défense de la démarche scientifique, rigoureuse. Et il me semble que des choses, que des savoirs scientifiques que l'on peut produire sont des savoirs qui ont parfois déjà été produits par la littérature, mais de manière tout à fait autre. Il est indispensable de les montrer scientifiquement, de montrer leur, je dirais, leur recevabilité en tant que savoir au plan scientifique, mais néanmoins, la littérature est un mode de connaissance aussi, comme la psychanalyse. Donc je pense que ces trois dimensions, la littérature, qui sont mes mondes, j'ai envie de dire, la littérature, la psychanalyse et la recherche scientifique, sont des univers de connaissance. Peut-être j'ai envie de citer une anecdote qui m'a toujours beaucoup marquée dans ma vie. J'ai entendu un jour Nathalie Baye, qui était interrogée dans une émission radiophonique, je ne me souviens plus laquelle, il y a fort fort longtemps de cela. Et à la fin de l'interview, on lui dit « Nathalie Baye, voilà, vous nous avez dit beaucoup de choses sur vous-même. Une dernière question, et si vous deviez changer quelque chose en vous, ce serait quoi ?» Alors elle s'est tue, il y a eu quelques temps. Et puis elle a dit « Ah non, non, non, non, non. J'ai mis beaucoup de temps à m'accepter telle que je suis. Maintenant, je ne change plus rien. » Et j'ai beaucoup apprécié ce moment, parce que c'était pas une Nathalie Baye arrogante qui ne changeait plus rien parce qu'elle se trouvait parfaite, évidemment. C'était pas du tout ça. C'était « Je m'accepte telle que je suis, avec mes fêlures, mes brisures, mes morceaux qui manquent. » Et ben voilà, je pense que l'analyse, c'est ça que ça apprend. S'accepter comme on est. Oui. Moi, de toute façon, pas... on peut fermer, hein. Oui, je pense que ça serait mieux. Elle est un peu dure, faut la... Voilà, il n'y a que le psychanalyste qui peut fermer la porte de son cabinet. Kamel, médecin urgentiste, Catherine Delarue-Breton, enseignante, Alexandre, enseignant, Didier Pourquerie, journaliste, les psychanalystes Patrick Guyomard, Corinne Ehrenberg, Catherine Chabert, Clarisse Baruch, Christophe Paradas, Sarah Contout-Terkem et le psychiatre Christophe Dufond-Barré. Extrait des films de Woody Allen, Harry dans tous ses états et Annie Hall. Recherche China, Marine Decan. Prise de son, Olivia Branger, Laurent Lucas et Étienne Leroy. Attaché d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard et Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Carvran. Demain, des courages aujourd'hui. Merci à Jean-Louis Baldacci, Jacques André, Karine Guéniche, Emmanuel Guibert et Raphaël Pau. En séance, terminez son analyse. Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Demain, j'arrête, c'est promis. Demain, toujours demain. Demain, c'est sûr, on vous l'a dit. Demain,